que tu me reproches. Est-ce que le problème vient de tes copines, moi ou de mes proches? Viens t'asseoir, qu'on en parle avant qu'il soit trop tard. Exprimons-nous sans crier, sans réveiller les voisins d'à côté. Mettons nos vertus de côté, dis-moi ce qui se passe. Et entre nous, on en est où? Est-ce que tout s'arrête? Maintenant je vois que tu doutes, dans ta tête tout est flou. Mais il faut que tu saches une chose, une chose. Je te retiens une fois, deux fois, pas trois fois, non. Si tu pars, ne reviens pas, non. Si tu me tournes le dos, je pourrais demain. Je veux savoir une chose, c'est est-ce que t'es sûr, est-ce que t'es sûr, est-ce que t'es sûr? Est-ce que t'es sûr, est-ce que t'es sûr, est-ce que t'es sûr? Est-ce que t'es sûr, est-ce que t'es sûr, est-ce que t'es sûr? Que je suis un bâtard, que je t'ai vendu du rêve. Mais je suis trop pas trop honnête et ça faut que tu le comprennes. Jalouse, tu me fais des crises à cause de toutes ces filles. Mais toutes ces filles, elles sont jalouses parce qu'elles veulent ta place. Mais ça t'as toujours pas compris. Tu préfères faire tes valises. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oh shit. Malgré tout ça, je te répète. Tu dois savoir une chose. Je te retiens une fois. Est-ce que t'es sûr? Réponds-moi. Est-ce que t'es sûr de toi? Est-ce que t'es sûr? Réponds-moi. Est-ce que t'es sûr? Est-ce que t'es sûr? Est-ce que t'es sûr?